بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours 18 aujourd'hui. Et le cours d'aujourd'hui, on commence dans le livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Et c'est un nouveau chapitre. Et le nouveau chapitre, c'est An-Nifaqu. An-Nifaqu. C'est-à-dire, yani, se contraduit par l'hypocrisie. Et le cheikh, il explique que An-Nifaqu naw'an. An-Nifaqu naw'an. Nifaqun i'tiqadiyun wa nifaqun amaliyun. An-Nifaqu li'tiqadi sittatu anwa'in sahibuha min ahli ad-dark al-asfali min an-nar. Al-awwal, تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث Oui, tu peux prendre une feuille. Prends, trouve une feuille ici, si tu peux en trouver. Tu peux écrire. الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس المصرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والنفاق العملي خمسة أنواع. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. Donc ça c'est les deux catégories de nifaq et on va expliquer tout ce qu'on vient de lire maintenant en arabe, on va l'expliquer en français. Donc, premièrement, le nifaq, il est de deux grandes catégories. Le nifaq i'tiqadi et le nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, c'est le nifaq qui est dans la croyance, dans le cœur. Et le nifaq al-amali, c'est le nifaq dans certaines actions, dans certains péchés. D'accord? Et le nifaq al-i'tiqadi, on peut aussi l'appeler al-nifaq al-akbar, le grand nifaq. Et al-nifaq al-amali, on peut l'appeler al-nifaq al-asghar, le petit nifaq. Et le grand nifaq ou le nifaq al-i'tiqadi, il peut être divisé en 6 catégories ou 6 sortes. Et la personne qui a une de ces catégories-là, elle sera dans le niveau ou la profondeur la plus basse de l'enfer. La profondeur la plus basse de l'enfer. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar. » Wal-a'yadu billah. Les hypocrites seront dans la profondeur la plus basse de l'enfer. Et la première de ces 6 catégories-là, c'est celui qui démentit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc takdhib ar-rasoul, c'est-à-dire tu démentis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien tu le traites de menteur. Ça c'est la première catégorie de nifaq, sauf que tu le fais dans ton cœur. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, ce nifaq, elle considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menti ou il est menteur, mais elle croit ça dans son cœur, elle le dit pas. Malgré tout, elle fait la salat, elle fait le jeûne, elle fait le hajj, elle fait le jihad fi sabilillah, elle fait le ramadan. Mais dans son cœur, elle dit, il est un menteur. Elle dit, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un menteur. Donc pourquoi elle fait tout ça en même temps? Pourquoi elle prie? Pourquoi elle jeûne? Pourquoi elle fait le hajj? Pourquoi elle fait la salat? Pourquoi elle fait le zakat? Pourquoi? Parce qu'elle veut montrer qu'elle est musulmane, parce qu'elle a un intérêt. Si quelqu'un, par exemple, il est né dans un pays musulman, il est dans une famille musulmane, toute sa famille est musulmane, et lui, il ne croit pas en l'islam, ou il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un menteur. Mais il sait que s'il dit à sa famille qu'il n'est pas musulman, il va être rejeté, ou il va être banni, ou il ne va pas pouvoir se marier avec une fille musulmane, et il ne va pas pouvoir hériter de son père ou de sa famille qui est musulmane. Il ne va pas pouvoir avoir beaucoup d'intérêt, beaucoup de facilité dans la dunya. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il est musulman et il pratique l'islam, sauf qu'il ne croit pas dans son cœur. C'est un munafiq. C'est ça le nifaq. D'accord? Et ça, c'est la première catégorie. Takdhib ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, c'est celui qui démentit certaines choses de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené. C'est-à-dire que il va croire en certaines choses de l'islam, mais d'autres choses, il ne croit pas, il refuse, il considère que c'est faux. D'accord? C'est comme quelqu'un, par exemple, il accepte des règles de l'islam qui sont en accord avec ses désirs. Il dit, oui, ça c'est bon, ça j'aime ça dans l'islam. Mais d'autres questions qui ont rapport avec l'islam, des règles de la charia, quand il entend ça, il dit, non, non, ça, j'accepte pas ça, ça, je crois pas en ça. Hein? Donc ça, c'est une forme de nifaq. Celui qui a ça, il est munafiq. Et le munafiq, c'est un kafir. Hein? Parce que tu ne peux pas dire que tu peux pas choisir ce que tu acceptes et ce que tu acceptes pas dans la charia. Tu dois tout accepter, sans exception. Tu ne peux pas accepter, yani dire, oui, la salat, c'est bon, le somme, c'est bon, zakat, c'est bon, mais le djihad, non, j'accepte pas. Le hijab, non, j'accepte pas. Da'wa, non, j'accepte pas. Al-wala wal-bara, non, ça, j'accepte pas. Hein? Couper la main des voleurs, non, ça, j'accepte pas. Lapider la femme qui fait ou l'homme qui fait l'adultère, non, ça, je ne peux pas accepter ça. Hein? Donc, tu choisis ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu le rejettes. Ça veut dire que tu n'es pas un mu'min, tu es un munafiq. Hein? Tu n'es pas musulman si tu fais ça. Parce que tout ça vient d'Allah. Il n'y a pas de différence. Ce que tu acceptes vient d'Allah et ce que tu rejettes vient d'Allah. Donc, si tu acceptes une partie et tu rejettes le reste, c'est comme si tu as tout rejeté. Hein? Parce que tu te contredis en agissant comme ça. Et tu contredis la religion. Un autre exemple aussi, parmi les catégories de ceux qui yani fait partie du nifaq, nifaq al-i'tiqadi, nifaq al-akbar, le fait de détester le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu dis que tu es musulman, mais tu détestes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un mu'min qui fait ça. Hein? Et ça, il y en avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, hein, et d'autres. Ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et il y en a qui disent qu'ils aiment l'islam et qu'ils aiment le prophète, mais ils détestent sa sunna. Et c'est ça la quatrième catégorie, hein, de nifaq. La quatrième, c'est que tu détestes certaines choses que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené dans la religion. Hein? Tu détestes certaines choses parmi les choses que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené dans la religion. Parmi les choses que Allah azzawajal lui a révélées. Donc la troisième, c'est que tu détestes le messager lui-même. Et la quatrième, c'est que tu détestes certaines choses qu'il a amenées, hein, les choses de la religion. Et donc ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Même il y a des gens qui détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui détestent sa sunna, ils ne s'en aperçoivent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont inventé des bid'a dans la religion. Et donc, ils aiment la bid'a. Et quand tu leur interdis la bid'a, ils se fâchent. Et si tu leur ordonnes la sunna, ils se fâchent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la bid'a. Donc, ils pensent que tu leur interdis le bien en leur ordonnant la sunna. Alors que c'est la sunna. Hein? Et quand tu leur interdis la bid'a, ils se fâchent alors que c'est la sunna qui interdit de faire des bid'a. Donc, pourquoi tu te fâches quand on t'interdit de faire une bid'a alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a interdit de faire des bid'a? Ça veut dire que tu te fâches contre la sunna. Hein? C'est grave. Il y a des gens qui ne réalisent pas ça. C'est dangereux la bid'a. Ça, c'est une des raisons pourquoi c'est dangereux. Ça peut faire tomber quelqu'un même dans le nifaq. Cinquièmement, al-masarratu bin khifad din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième forme de nifaq, c'est le fait que tu te réjouis de voir s'affaiblir la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu vois que la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle est rabaissée. Ça, t'es content. Si t'es content de ça, ça c'est du nifaq. Hein? Donc tu vois que par exemple, quelque part dans le monde musulman, il y a un conflit entre les musulmans et les kuffars. Et toi, quand tu vois que les kuffars, ils gagnent contre les musulmans, t'es content de ça. Quand tu vois qu'ils détruisent les mosquées, quand tu vois que ils forcent les musulmans à ne pas pratiquer l'islam, toi t'es content, ça c'est du nifaq. Aussi al-karahiyatu, là ça c'est la sixième catégorie, c'est la dernière, al-karahiyatu bintisar din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand tu vois que l'islam il est victorieux et que la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam elle devient forte et elle devient victorieuse et c'est elle qui a le dessus, ça, tu détestes ça. Ça te déplaît. Ça, c'est du nifaq. Ça, c'est du nifaq. Hein? Parce que le mu'min, au contraire, il est content quand la religion, elle devient forte, quand la religion, elle est victorieuse. Hein? Ça, c'est normal. Parce que c'est la vérité qui a le dessus. Et donc, tu te réjouis de ça. Et le munafiq, non. Quand les musulmans, ils ont des difficultés, ils sont contents. Quand les musulmans, ils ont une victoire, ils sont tristes. Ils sont malheureux. Ils sont pas contents. Donc, c'est ça la différence entre le mu'min et le kafir. Hein? Et donc, aujourd'hui, tu vois, par exemple, certaines personnes, quand ils voient que les musulmans, ils sont en difficulté, ils sont contents de ça. Et quand les koufars, ils ont le dessus sur les musulmans, ils se réjouissent. Ça, c'est des munafiqines. Ça, c'est pas des mu'minines qui agissent comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est les catégories de nifar, l'i'tiqadi, l'hypocrisie de la croyance, du cœur. Et ça, ça fait sortir de l'islam. Et la personne qui a ça, elle est dans le plus profond niveau, le degré le plus bas de l'enfer. Ou la profondeur la plus basse dans l'enfer. Mais est-ce que toi, tu vas savoir que une personne, elle est munafiq? Hein? Tu ne peux pas savoir. Pourquoi tu ne peux pas savoir? Parce que ça, c'est dans son cœur, c'est caché. Hein? Tu ne peux pas savoir. Tu peux avoir des indices, certains indices que la personne, elle laisse apparaître parfois dans ses propos ou dans ses réactions ou dans ses façons d'agir. Il y a des signes. Mais tu ne peux pas être certain. Sauf si elle le dit clairement. Si elle dit des paroles de kufr, clairement avec sa bouche, là tu vas savoir qu'il y a un problème. Que là la personne elle dit des paroles de kufr. Mais si elle ne le dit pas, tu ne pourras jamais savoir. C'est seulement Allah qui sait qui sont les munafiqines. Et nous donc, on les traite, ces munafiqines, on les traite comme des musulmans. Parce que nous, on juge selon al-dhahir, qu'est-ce qui est apparent. Le batin, le caché, le cœur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est Allah qui va le juger, c'est pas nous. D'accord? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait l'identité des munafiqines. Malgré qu'il les connaissait, parce que pourquoi il les connaissait? Allah lui a révélé ça. Allah lui a donné la connaissance. Hein? Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas le ghaib, il ne connaît pas l'invisible. Donc il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des hommes, qui est croyant, qui n'est pas croyant, qui est sincère, qui n'est pas sincère. Mais Allah Azza wa Jalla lui a révélé l'identité des munafiqin. Donc il les connaît. Et malgré qu'il les connaît, il les traite comme des musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il juge parmi les gens selon l'apparence. Et combien de fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des gens qui agissaient d'une façon ou qui ont fait des choses. Et Omar ibn al-Khattab, il vient et il dit, « Oh, messager d'Allah, laisse-moi tuer ce munafiq. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Je ne veux pas que les gens disent que je tue mes compagnons. » Parce que si c'est comme ça, les gens, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, « Ah, des gens, ils sont musulmans. Lui, il vient, il les tue. » Hein ? Ils vont être, oui, ils vont avoir peur d'être musulmans ou d'être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il va dire, ah, lui, ils vont dire, ah, lui, il tue même ses compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que ces gens-là, c'est des munafiqines et il les traite comme des musulmans, selon le zahir, selon qu'est-ce qui est apparent. Hein? Et l'exemple de nifaq qui est mineur, le nifaq amali dans les actions, c'est de 5 catégories qui sont mentionnées dans le hadith. Et le hadith qui est mentionné, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le signe de l'hypocrite est de 3. Donc ça c'est une narration dans laquelle il y a la mention de 3 signes et il y a une autre narration où il y a la mention de 4. Et dans un autre, il mentionne deux et une autre différente aussi. Donc, en tout, ça fait 5 caractéristiques qui sont les caractéristiques de l'hypocrite. Ça ne veut pas dire que la personne est un munafiq, un hypocrite, mais ça fait partie de ses caractéristiques. Donc, il y a une différence entre le fait de dire qu'une personne est un munafiq et de dire qu'elle a une caractéristique du nifaq. Une caractéristique des munafiqines. Tu peux avoir une caractéristique des munafiqines, ça ne veut pas dire que tu es nécessairement un munafiq. De la même manière que ça se peut que tu aies une caractéristique des kuffars, que tu ne sois pas kafir. Ou que tu aies une caractéristique des mushrikines et que tu ne sois pas mushrik. D'accord? Donc il faut faire la différence entre ces deux choses-là. C'est très important. Parce que les khawarij, eux, ils ne font pas de différence entre ces choses-là. Pour eux, le nifaq amali et le nifaq intiqadi, ça n'existe pas. Pour eux, tous les nifaq, c'est nifaq intiqadi. Hein? Akbar qui fait sortir de l'islam. Comme le kofr. Pour eux, c'est seulement le kofr al-akbar. Et pour le shirk, seulement le shirk al-akbar. Il n'y a pas le shirk asghar, il n'y a pas de kofr asghar pour les khawarij. D'accord? C'est pour ça que ces gens-là sont extrémistes. Il faut faire attention à ça. Donc, les 5 catégories de nifaq d'action ou du nifaq mineur, c'est quoi? C'est dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le signe de l'hypocrite est de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Ça, c'est la première. La deuxième, idha wa'ada akhlaf. C'est-à-dire, quand il fait une promesse à quelqu'un, hein, il ne respecte pas sa promesse. Et la troisième, إِذَا تُمِنَ خَانَ إِذَا تُمِنَ. C'est-à-dire quand on lui donne une amana, on lui confie un dépôt ou quelque chose, il trahit la confiance qu'on lui a donnée. خَانَ hein? خَانَ يَخُونُ. C'est un verbe qui veut dire de trahir. Hein? الْخِيَانَ en arabe, on appelle ça. Khiyana, c'est la trahison. Donc quand on te confie une amana, tu ne respectes pas cette amana, tu la trahis. Hein? Donc ça c'est les 3 premières. Et dans une autre narration, il a mentionné 2 autres. Idha khasama fajar wa idha ahada ghadar. Idha khasama fajar, c'est-à-dire que c'est quand il a une dispute avec quelqu'un, il va être pervers dans sa réaction. C'est-à-dire, il va faire preuve d'orgueil, il va rejeter la vérité. Il ne va pas accepter la vérité que tu lui donnes. Wa idha ahada ghadara. C'est-à-dire que s'il a pris un engagement ou une entente avec des gens, il va trahir son engagement. Al-radar, c'est la trahison aussi. Al-radar, c'est la trahison aussi. Il va trahir son pacte, son entente ou son engagement. Ça, c'est le oui. Mais l'engagement est différent de la promesse. Oui, l'engagement. Al-ahd, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Al-ahd, c'est comme un pacte, un traité que tu signes. La promesse, c'est pas la même chose. La promesse, c'est en général, c'est verbal. L'ahd, c'est signé. Comme un contrat. Comme un contrat. Une entente, un pacte, une trêve que tu signes. C'est par exemple, tu signes un dirigeant musulman, il a signé une entente avec un dirigeant mécréant. Une entente de paix. Ça veut dire, il ne peut pas y avoir des agressions entre les deux peuples. Toi, tu es musulman. Et tu fais partie du peuple de ce pays musulman, tu vas attaquer et agresser un non-musulman parmi ceux avec qui le dirigeant a signé l'entente de paix avec eux. Ça, c'est une forme de radar. C'est une forme de trahison. T'as trahi l'engagement qui a été signé. Le pacte, la trêve, l'entente, le contrat, c'est ça, l'ahd. Oui, ça peut être aussi avec un contrat de mariage. Yani, mais c'est plus souvent en d'autres contextes. Oui. Déjà, parce que là, on parle des exemples d'un musulman qui a fait une promesse à quelqu'un, puis qu'il manque à sa promesse. Mais s'il avait promis à quelqu'un de faire quelque chose, et que cette chose-là, elle est haram, et lui, il ne savait pas. D'accord? Donc, à ce moment-là, il n'est pas responsable. Dans le sens que, en principe, dans l'islam, le contrat qui est basé sur qu'est-ce qui est batil, qu'est-ce qui est faux, il est batil. En principe. D'accord? Parce qu'un musulman, il ne peut pas faire une entente ou signer un contrat de quelque chose qui implique que quelque chose est haram. C'est par exemple, si quelqu'un, par exemple, il te fait signer un contrat qui dit « tu dois tuer quelqu'un ». Ça, c'est haram. Tu n'as pas le droit de signer ce contrat-là. Tu comprends? Mais l'histoire, c'est que si tu es dans une situation ou dans un contexte où tu as fait ça et tu as signé, tu es dans un endroit ou dans un pays non musulman, tu as signé un contrat pour quelque chose avec une compagnie, ou avec des gens, et que tu as vu que tu n'avais pas lu le contrat comme il faut, puis après tu réalises que tu as signé quelque chose, puis ça t'implique que tu dois faire quelque chose qui est haram. Alors, à ce moment-là, déjà, si c'était un pays qui applique l'islam, qui respecte la charia, tu pourrais aller contester la validité de ce contrat-là en disant qu'il y a quelque chose qui est haram dedans. Mais si tu es dans un pays de kofre et que pour eux, cette chose-là, elle est légale et que toi, tu l'as signée, donc tu t'es engagé à le faire, maintenant, tu ne vas pas être capable de sortir de ce contrat-là en disant que ça, c'est haram et que tu ne le savais pas. Parce qu'ils vont dire, ça, c'est ta faute. Tu devais lire avant de signer. Donc, maintenant que tu l'as signé, maintenant tu es obligé de respecter l'entente de ce contrat-là pour eux. Si tu ne le fais pas, tu vas être pénalisé ou bien il va avoir des conséquences. Tu comprends? Et donc, toi, tu devras faire face à ces conséquences-là. Tu comprends? Parce que pour eux, c'est toi qui es dans le tort maintenant. Parce que tu veux briser un contrat que toi, tu as signé avec conscience. Alors, c'est pour cette raison-là que, avant de signer n'importe quel contrat, tu dois lire comme il faut le contrat et être certain que tu le comprends et que tu sais qu'est-ce que ça implique. Et s'il y a quelque chose dans ce contrat-là qui est contraire à ta religion, tu ne dois pas le signer. Sinon, tu commets un péché. Tu comprends? Non, c'est ça. Le problème, beaucoup de musulmans, ce n'est pas seulement les musulmans, même des non-musulmans, ils signent des choses avant de lire. Et combien de fois? Même, ce n'est pas seulement des signatures qu'on fait avec notre main. Même des fois, on peut signer des choses sur Internet juste avec un clic. Hein? Quand on te dit... Et même des fois, la façon même qu'on te demande, c'est presque comme si on ne te donne même pas le choix. Tu veux installer un logiciel dans ton ordinateur. Par exemple, Windows. Tu veux installer Windows dans ton ordinateur. Donc, tu commences l'installation. Là, il y a un carré qui apparaît et te demande, est-ce que vous acceptez les conditions? Et là, il faut lire tout le texte. Est-ce que tu vas lire tout le texte? Tout le texte de conditions avec toutes les clauses et tout? Si tu lis ça, même si tu le lis, tu ne vas même pas comprendre. Parce que la plupart des choses qui sont mentionnées dans ce contrat-là, c'est des clauses qui sont écrites dans un langage juridique, hein, écrit par des avocats, que ça prend même un avocat pour te l'expliquer. Chaque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, la seule chose que tu veux, c'est tu veux utiliser le logiciel. Hein? Mais dedans, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans si tu ne l'as pas lu exactement comme il faut. Mais c'est ça qui est malhonnête aussi, d'une certaine façon, de rendre l'affaire aussi compliquée que ça, pour que des gens, on leur demande de signer quelque chose, on leur donne un contrat qui est super compliqué, et puis après on leur demande, est-ce que vous acceptez oui ou non? Et si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas utiliser le logiciel. Donc c'est comme si tu es pris là dans un piège, en réalité. Donc, en tout cas, on ne va pas parler des détails de ça, parce que ça n'a pas rapport avec le sujet en réalité. Mais tout ça, c'est pour dire que, il me semble, moi, logiquement, que les choses devraient être faites autrement. Et qu'on devrait simplifier les choses pour les gens, pour être capable de comprendre qu'est-ce qu'ils signent. Hein? En tout cas, on continue maintenant. On a expliqué le sujet de base, on a expliqué les catégories. Maintenant, on va lire le charh, c'est-à-dire l'explication de tout ce qu'on vient de lire. Et le cheikh, il va donner des exemples et des preuves pour chaque point. D'accord? Donc, ici, le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit « An-nifaqu نوعان اعتقادي وعملي وقوله اعتقادي وعملي موقعه من الإعراب أنه بدل من كلمة نوعان ويصح أن تقول نفاق اعتقادي ونفاق عملي والنفاق الاعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله من ذلك وتعريف النفاق الاعتقادي هو التكذيب في الباطن والإيمان في الظاهر وقد ذكر الله عز وجل النفاق الاعتقادي ذكر الله النفاق الاعتقادي وبين صفات أهله في سورة البقرة بدءا من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين إلى قوله تعالى ذكره ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وبين صفات المنافقين في سورة براءة بيانا عظيما فما زال يقول ومنهم كقوله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقوله عز وجل ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وفي خلال ذلك بين الله عز وجل كثيرا من صفاتهم إلى أن قال وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين إلى أن قال سبحانه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إلى أن قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وفي خلال ذلك بين الله عز وجل الشيء الكثير من أعمالهم وفي سورة الأحزاب ذكرهم الله عز وجل وبين بعض صفاتهم وفي سورة المنافقون كذلك. Donc on va traduire cette partie, après on continue inshallah. Donc le titre, le cheikh il explique premièrement que le nifaq, il y a deux catégories, le nifaq al-i'tiqadi et le nifaq al-amali. Donc le nifaq al-i'tiqadi, il est celui qui a cette forme de nifaq, qui est le nifaq majeur. Il sera parmi les gens qui seront éternellement en enfer et dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Wal-i'adhu billah. Et la définition de cette catégorie de nifaq, de la croyance ou bien de le nifaq majeur, c'est le fait de traiter de mensonge la vérité dans son cœur, alors qu'en apparence, tu montres que tu y crois. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il a mentionné cette catégorie de nifaq et il a clarifié les caractéristiques des gens de cette catégorie dans plusieurs versets dans le Coran, en commençant par Surat al-Baqarah. Les 13 premiers versets de Surat al-Baqarah, du verset 8 au verset 20, il y a une description à leur sujet. Donc on va lire ces versets-là ensemble. Allah Azza wa Jal, il dit إن الذين كفروا سواء أنصت à propos des kuffars. À propos des munafiqin, ça commence au verset 8. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. C'est-à-dire, parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons à Allah et au jour dernier, tandis qu'ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas réellement croyants. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne s'en rendent pas compte. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Il y a dans leur cœur une maladie de doute ou d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ نعم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Donc on va lire ces versets. Allah Azza wa Jal, il dit, et quand on leur dit ne semez pas le désordre sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs, hein, on veut faire le bien. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit croyez comme ont cru ceux qui croyez comme les gens qui ont cru, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Parce que pour eux, les croyants, c'est des faibles d'esprit. Hein? Eux, ils sont intelligents, ils sont évolués, ils sont modernes, ils sont laïcs, ils sont démocrates. Ils ont compris la vérité plus que les croyants. Il dit, Allah Azza wa Jal, il dit, certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne savent pas. Et quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, Ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Allah, c'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Et il dit ensuite, dans la suite de ces versets, Oulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Il dit, ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce, leur commerce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il donne des exemples à leur sujet. Il dit, « Mathaluhum ka mathali alladhina istawqada nara. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. » صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Donc ça, c'est les versets ici qui terminent cette explication au sujet des munafiqin. Allah Azza wa Jal dit, il ressemble à quelqu'un qui a allumé un feu. Puis quand le feu a illuminé alentour de lui, Allah fait disparaître leur lumière et les abandonne dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Hein? Donc c'est comme des gens, ils ont eu la foi. Quand ils ont eu la foi, ils ont vu autour d'eux. Hein? Et ils ont commencé à voir clair. Puis, yani, à ce moment-là, Allah enlève leur lumière. Donc, ils sont dans les ténèbres après, c'est parce qu'ils ont perdu la foi. Hein, donc, ils se retrouvent dans les ténèbres. Peut-être même que les ténèbres dans lesquelles ils se retrouvent à ce moment-là sont plus profonds que les ténèbres avant qu'ils aient connu la foi la première fois. Hein, parce qu'ils ont vu la lumière. C'est comme quand, par exemple, tu es dans la clarté, on éteint la lumière tout d'un coup, il fait plus noir que si tu t'habitues à la noirceur. Parce que quand tu es habitué à la noirceur, tu vois quand même un peu dans le noir. Mais si on a mis la lumière puis qu'on l'éteint, hein, là, tu ne vois plus rien. Ça devient très, très noir, plus noir qu'avant. Et donc, Allah Azza wa Jal, il dit qu'ils sont sourds. C'est comme s'ils étaient sourds, muets et aveugles. Ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Et on peut encore les comparer à des gens au moment où les nuées éclatent en pluie, chargées de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs. Ils disent, se mettent le doigt dans les oreilles, terrorisés par les fracas de la foudre, craignant la mort. Allah encercle de tous les côtés les mécréants. Et l'éclair presque leur emporte la vue. L'éclair, quand il frappe, il y en a tellement, la lumière est forte, c'est presque si ça les rend aveugles. Chaque fois qu'on leur donne la lumière, ils avancent. Parce qu'ils arrivent à voir un petit peu quand il y a de l'éclairage. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Ils ne peuvent plus avancer. Parce qu'ils ne voient pas où est-ce qu'ils s'en vont. Et si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a le pouvoir sur toute chose. Donc ça, c'est les versets dans Surat al-Baqarah au sujet des munafiqin. Et ensuite, ici, le cheikh, il dit ensuite dans Surat Bara'a, il y a d'autres caractéristiques des munafiqin qui sont expliquées, et c'est des grandes explications, des grands exemples qu'on retrouve dans Surat Bara'a. Surat Bara'a, c'est Surat al-Tawba. La 9e sourate du Coran. Je vous conseille de la lire. Hein, si vous l'avez jamais lue, lisez-la. Et sinon, si vous l'avez déjà lue, eh bien, relisez-la encore. Il y a dedans beaucoup de leçons et beaucoup de descriptions des munafiqin. Après les 60 premiers versets, ça commence. Les détails des explications des munafiqin. Et tu vois que, par exemple, même avant ça aussi, le verset 49, Allah Azza wa Jal commence à énumérer des exemples. Et souvent, ça commence par des versets qui disent « wa minhum » et « parmi eux ». Hein? Donc, il mentionne à chaque fois qu'il dit « wa minhum », par la suite, il mentionne des caractéristiques des munafiqins. Donc, verset 49, Allah Azza wa Jal, il dit dans surat Tawbah, il commence à dire « wa minhum ». Donc, on va lire quelques exemples que le cheikh il a cités dans cette explication qu'il a donnée. Donc, dans le verset 49, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « et parmi eux », c'est-à-dire parmi les munafiqins, il y en a qui dit « donne-moi la permission », c'est-à-dire ils disent au messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « donne-moi la permission de rester », c'est-à-dire de ne pas partir dans l'expédition, parce que le contexte de surat Tawbah, c'est la bataille de Tabouk. Donc c'était une des dernières surates qui ont été révélées dans le Coran. Surat Tawbah et surat Al-Ma'idah. C'est parmi les dernières. Hein? Et donc, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de rester derrière et de ne pas partir avec eux. Et parmi eux, il y en a un qui a dit en particulier, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas dans la tentation. De quelle tentation il parle? Et quand tu regardes dans le Sabab al-Nuzul ou la cause de la révélation de ce verset, c'est un homme parmi les munafiqin et lui, il ne voulait pas partir. Et une des excuses qu'il a données, c'est ne me force pas à partir là-bas parce que si je vais, parce que c'était contre les Romains qu'il allait combattre à Tabouk, parce qu'il y avait une base romaine là-bas. Et donc, il a dit, ne me laisse pas partir là-bas parce que si j'arrive là-bas et que je vois les femmes des Romains, je vais avoir trop de tentations. Parce que c'est comme si en voulant dire, c'est des femmes qui sont belles. Si je les vois, je vais avoir la tentation, je vais avoir la fitna. Donc, ne me laisse pas, hein, ne me force pas à partir. Et Allah Azza wa Jal, il dit, oh, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. Hein? Et l'enfer est tout autour des mécréants. Hein? L'enfer enveloppe les mécréants. Pourquoi Allah Azza wa Jal dit c'est dans la tentation qu'ils sont tombés? Parce qu'en refusant l'ordre d'Allah et en désobéissant au messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tombés dans une tentation ou une fitna beaucoup plus grave et beaucoup plus grande que la tentation des femmes, hein? De Bani al-Asfar, comme il les a appelées. Les femmes de Bani al-Asfar, les peaux jaunes, hein, les gens qui ont la peau jaune. Ils les appelaient les Romains, les gens qui ont la peau jaune. Donc, il avait peur des femmes, mais il est tombé dans une fitna plus grave que les femmes, la fitna de désobéir à Allah et à son messager. Un autre exemple, le verset 58. Hein, c'est un autre exemple, le verset 58. Et parmi eux, il y en a qui te critiquent au sujet des sadaqat. Donc, ils critiquent, parmi les hypocrites, il y en a qui critiquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet des sadaqat, hein, et de la zakat. Si on leur donne, hein, si on leur en donne, les voilà contents. Mais si on ne leur en donne pas, les voilà pleins de rancœur. Alors que le mu'min, si il en donne, il est content, alhamdoulilah. Et s'il ne lui en donne pas, il est content, alhamdoulilah. Mais eux, non. Ils sont seulement contents si on leur en donne. Et si on ne leur en donne pas, ils sont fâchés. Et même, ils commencent à critiquer. Hein? Et l'autre verset qu'il a mentionné, verset 75 à 77, ça aussi, c'est grave. Et ce n'est pas seulement à propos de cet exemple. Mais je vais vous lire ces versets-là. Ça, c'est des versets... Réfléchissez bien à ça. Allah Azza wa Jal, il dit dans ces versets ce qui signifie, et parmi eux, il y en a qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, c'est-à-dire si Allah nous donne de sa grâce, nous payerons certes la zakat et nous serons du nombre des gens du bien. Donc ça, c'est l'exemple d'un homme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il était pauvre. Alors, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a pris un engagement envers Allah que si il lui donne de l'argent et qu'il l'enrichit, il va être bon, il va donner la zakat, il va faire du bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand il l'a reçu, il dit, mais lorsqu'Allah leur a donné de sa grâce, ils se montrèrent avares et ils tournèrent le dos et firent volte-face. Et le verset 77, il a donc suscité, donc Allah Azza wa Jal a suscité dans leur cœur l'hypocrisie à cause de ça. Et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Hein? Donc ils ont pris l'engagement, oh Allah, si tu nous donnes de la richesse, si on devient bien, si, là on va être pieux, on va faire des sadaqat, on va aider les pauvres, on va faire beaucoup de bonnes choses. Allah Azza wa Jal leur a donné. Une fois qu'ils leur ont donné, tout d'un coup ils se tournent, hein, ils deviennent avares, ils ne veulent plus partager, ils ne veulent plus donner rien à personne. Et ils tournent le dos. Hein? Et à cause de ça, Allah Azza wa Jal les a punis en mettant l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour de la résurrection pour avoir violé leur engagement. Donc, tu as pris un engagement avec Allah, tu dois le respecter. Si tu ne le respectes pas, il peut y avoir des conséquences beaucoup plus graves que qu'est-ce que tu t'imagines. Un autre exemple aussi, c'est le verset 86 dans Surat At-Tawbah. Il dit... Un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie lorsqu'une sourate est révélée qui dit croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager, les gens qui ont tous les moyens, c'est-à-dire les gens aisés, hein, qui ont les moyens de combattre, parmi eux, ils te demandent de les dispenser du combat et disent laisse-nous avec ceux qui restent en arrière. Avec les femmes et les handicapés et les aveugles et les malades et les vieux, hein? Ils veulent rester derrière. Et le verset 94 que le cheikh a mentionné, ça c'est juste des exemples qu'il donne parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, hein? Il dit dans le verset 94 ce qui signifie, et il vous présente des excuses quand vous revenez à eux, dit ne présentez pas des excuses, nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés, hein, de vos nouvelles. Et Allah verra votre œuvre ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît l'invisible et le visible. Et alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Hein? Et le verset 127, c'est le dernier exemple qu'il a mentionné. Le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres, hein, et se disent « Quelqu'un nous voit-il, hein? Quelqu'un nous voit-il » C'est-à-dire « Est-ce que quelqu'un nous regarde ?» Puis ils se retirent, hein, ils se détournent. Il dit « Qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Hein? » Parce que les munafiqoun, les hypocrites, ce sont des gens superficiels. Ils ne voient les choses que de façon extérieure. Et ils ne voient les choses que de façon superficielle. Et ils ne comprennent pas que les choses les plus importantes sont les choses du cœur, sont les choses qui sont dans l'intention et la sincérité. Ils voient juste les intérêts et les bienfaits, hein, de la dunya. Et c'est pour ça qu'ils ne comprennent rien à la religion, hein. Subhanallah, il y a des gens, c'est comme ça. Et j'en ai vu beaucoup des exemples de gens comme ça, par exemple, dans certains pays où les gens sont dans la pauvreté et ils voient la religion uniquement comme un moyen de faire de l'argent. Hein? Et quand ils te voient, hein, comme par exemple quand j'étais en Haïti, la première fois que je suis allé, mon père, il habitait là-bas et je ne l'avais pas vu depuis longtemps parce qu'il était parti, hein, habiter là-bas. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, il a su que j'étais converti à l'islam. Et il m'a dit, combien il te paye? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, combien il me paye? Il dit, combien il te paye pour être dans cette religion? J'ai dit, personne ne me paye, qui va me payer? Hein? C'est Allah Azza wa Jal qui me récompense. Je ne cherche pas de paix ou de paiement ou de choses comme ça. Donc tout ça pour dire, yani, c'est des gens qui ne connaissent pas la question de la sincérité. Ils ne comprennent pas cette notion-là de faire quelque chose pour Allah. Hein? Et tout revient pour eux à une question d'argent. Parce que en Haïti, je ne sais pas, vous, peut-être vous ne connaissez pas, mais il y a la religion voodooisante, qu'est-ce qu'on appelle le voodooisme. Le voodooisme est basé sur les intérêts, seulement sur l'argent. Tout est basé sur l'argent dans le voodooisme et des échanges d'intérêts. Tu fais un service pour les djinns et ils te donnent un service en échange. C'est tout basé sur des échanges. Hein? Donc c'est normal que eux, leur mentalité, c'est comme ça. Même les chrétiens et les missionnaires chrétiens, quand ils vont là-bas, hein? Les gens qui rentrent, eux, ils leur donnent des choses en échange pour les attirer. Alors ils ont pris l'habitude que quand une religion arrive en Haïti, ils donnent quelque chose pour que les gens viennent. Et donc, quand on leur parle de l'islam, eux, ils agissent comme ça. Ils attendent toujours que des gens viennent de l'extérieur pour leur donner des choses. Alors que on vient leur expliquer que non, on n'a rien à vous donner. La seule chose qu'on vient pour vous donner, c'est la foi, c'est la connaissance. Et si vous l'acceptez, ça va vous sauver. Ça, c'est ça qui est bon pour vous. Hein? Et si on a du bien de la dunya, on peut partager avec vous, on peut vous aider. Mais il ne faut pas que vous acceptiez l'islam en attente de ça. C'est-à-dire devenir musulman pour ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait aux gens, comme s'il n'avait pas peur de la pauvreté. Hein? Et même eux, il y a même des gens au début de l'islam, quand ils devenaient musulmans, subhanallah, il y a un hadith comme ça qui dit, quand je suis devenu musulman, il dit, je suis devenu musulman, et je disais aux gens, venez, il y a un homme qui s'appelle Mohammed, il donne aux gens, comme s'il n'a pas peur de la pauvreté. Alors il dit, au début, on est devenu musulman pour ça, et après, Allah nous a fait comprendre la sincérité. Et on est devenu des vrais musulmans par la suite. Pour Allah, pas pour la dunya. Donc c'est pour dire que des fois, quelqu'un peut, hein, au début, connaître l'islam d'une certaine façon pour des intérêts, puis une fois que la connaissance est rentrée dans son cœur et qu'il a compris, là il devient sincère. Et là il accepte vraiment, réellement l'islam pour Allah et non pas pour quelque chose d'autre. Donc ça c'est très important parce que ça fait partie de la sincérité. C'est comme un homme par exemple qui tombe amoureux d'une femme musulmane et il la trouve, hein, vraiment belle, et il dit, oh, je veux tout faire pour me marier avec elle. Et elle lui dit, mes parents vont jamais accepter que je me marie avec toi, sauf si tu deviens musulman. Alors lui, il dit, ah, d'accord, je me convertis. Même si c'était une famille, si sa famille était hindoue, il serait devenu hindou. Si sa famille était chrétien, il devenait chrétien. Si sa famille était juive, il deviendrait juif. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas important la religion de la fille. Qu'est-ce qui est important, c'est de se marier avec elle. Donc, il va accepter n'importe quelle religion juste pour pouvoir se marier avec elle. Et parce qu'elle est musulmane, il va devenir musulman. Hein? Sauf que ce n'est pas pour Allah. Ce n'est pas sincère. Bon, si c'est comme ça, alors Allah ne va pas accepter son islam. Si son intention pour devenir musulman, c'est pour se marier avec la femme seulement, pas pour Allah, comme si en voulant dire, il veut juste avoir la possibilité de pouvoir se marier avec elle. Donc il dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais dans son cœur, il ne croit pas, réellement, c'est certain que cet islam-là n'a aucune valeur pour Allah. Parce que celui qui dit, la ilaha illallah, il ne le dit pas pour Allah seulement, ça n'a pas de valeur, ça ne compte pas. Peut-être pour les hommes, hein? Peut-être pour les hommes, nous on juge par l'apparence, l'extérieur. On dit, oui, ok, il a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il pratique l'islam, donc il est musulman. Mais Allah, lui, au jour de la résurrection, quand il va le rencontrer, il va le juger, non seulement par qu'est-ce qu'il a montré, mais par rapport à qu'est-ce qu'il a cru dans son cœur et la sincérité. Est-ce qu'il a été sincère, oui ou non? S'il n'a pas été sincère, c'est certain que Allah ne va pas accepter son islam. D'accord? Donc ça c'est important. Et donc le cheikh il dit à travers donc beaucoup de ces actions des munafiqin, Allah Azza wa Jal a clarifié la réalité du nifaq et de leurs caractéristiques. Et il y a d'autres exemples aussi de ça dans Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Et aussi dans Surat Al-Munafiqoun. Donc, Surat Al-Baqarah, Surat Al-Tawbah, Surat Al-Ahzab, Surat Al-Munafiqoun, dans Surat Al-Nisa aussi, dans Surat Al-Imran. En tout cas, il y en a beaucoup. Le Cheikh, il a mentionné seulement des exemples. Non. Il y a le Mizouka fi Sadaqat. Ou bien l'autre. Minhum man ahad Allah. Oui, c'est ça. Ça, c'est un nazr avec une condition, oui. Non. Il n'a pas respecté. Et l'autre avant, yalzimuka fi sadaqat. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Et si vous retournez au tafsir, vous allez voir les détails de chacun de ces exemples-là. Oui. Le plus bénéfique et le plus intéressant pour quelqu'un qui est nouveau et qui est débutant, c'est Tafsir al-Sa'di. Moi, j'ai entendu les ulama conseiller Tafsir al-Sa'di, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Ça là, c'est le plus simple, le plus bénéfique pour quelqu'un qui est débutant. Ensuite, il y a le résumé de Riyad, Tafsir ibn Kathir qui s'appelle Umdatut Tafsir de Ahmed Shakir. C'est le résumé de Tafsir ibn Kathir. Ça, c'est bon pour un débutant aussi. Pour si tu as lu Tafsir al-Sa'di, après tu peux lire ça. Oui, ça c'est Tafsir ibn Kathir. Ouais. Mais moi je vous dis, hein, franchement, si vous voulez apprendre le tafsir, les traductions du tafsir, c'est pas approprié. Parce que le tafsir, ça doit s'étudier en arabe. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez apprendre ou étudier le tafsir, peut-être le tafsir al-Sa'di, à la limite, il peut être traduit parce que c'est un tafsir qui est relativement simple. Donc, tafsir al-Sa'di, peut-être. Mais, encore là, c'est des sujets qui doivent s'étudier en arabe parce que c'est l'explication du Coran. Déjà, dites-vous que la traduction qu'on lit là, les traductions, ça c'est traduction du tafsir. C'est pas la traduction du Coran, c'est la traduction du tafsir du Coran. Donc, c'est ce qui est traduit dans ça, là, c'est le tafsir, c'est pas le Coran. D'accord? Parce que le Coran, personne ne peut le traduire. C'est la parole d'Allah. C'est en arabe seulement. Donc, si tu veux le tafsir, c'est déjà un tafsir, la traduction. Donc, ça va t'aider à comprendre. On ne peut pas traduire la parole d'Allah, c'est impossible. Déjà l'arabe, c'est-à-dire, on peut traduire l'arabe, mais le Coran, c'est un arabe qui est particulier, c'est un autre niveau, et en même temps, c'est la parole d'Allah, personne ne peut l'imiter. Donc tu ne peux pas traduire la parole d'Allah, mais tu peux traduire la signification ou l'explication. Et c'est pour ça, le traducteur, là, quand il a traduit, il n'a pas pris le Coran en arabe puis commencé à traduire. Il a lu le tafsir, puis il a fait un résumé. C'est ça qu'il a fait. Il a traduit le tafsir. Et il a résumé ça. C'est tout. Il ne peut pas traduire le Coran. Ce n'est pas possible. Hein? Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, il y a des tafsirs courts qui sont résumés et il y a des tafsirs plus approfondis qui sont plus détaillés. Et c'est pour ça que l'exemple qu'on a, par exemple, quand on lit la traduction en français, ça, c'est tafsir d'un résumé du tafsir. Traduction d'un tafsir résumé. Mais si quelqu'un veut, par exemple, voir l'exemple de tafsir al-Tabari ou tafsir al-Qurtubi ou tafsir des autres ulama qui sont très très approfondis, ça, si tu vas le traduire, tu vas prendre beaucoup de volume comme tafsir ibn Kathir. Il est très détaillé, plus détaillé que tafsir al-Sa'di. Hein? Et même qu'il mentionne des différentes narrations de hadith et il ramène même l'isnad des hadiths. Donc c'est comme s'il résume, en fait, il a résumé le tafsir de Tabari. Donc c'est pour ça, c'est un autre niveau. Et ces livres-là, c'est préférable de les étudier en arabe. Parce que si tu les étudies en français, c'est comme une traduction d'une traduction, ça devient compliqué. Hein? Non. Où est-ce qu'on en était maintenant? Donc il dit, on va lire un dernier paragraphe, après on s'arrête, ok? وتعريف النفاق الاعتقادي كما سبق إظهار الإسلام وإبطان الكفر بأن يعزم المنافق بأنه يحب الله ورسوله وأنه مؤمن وهو بخلاف ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به ومبغضا لدينه والمنافقون لفساد اعتقادهم يتمالؤون مع الكفار الصرحاء من يهود ونصارى ومشركين وهكذا فالمنافقون أو فالمنافق يصر ويحب أن ينخفض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر دين الكفر على دين الإسلام ويكره انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو النفاق الاعتقادي الذي يكون في قلوبهم نعوذ بالله من النفاق وفساد الاعتقاد. Donc on va s'arrêter ici, on continuera la suite au prochain cours. Donc je vais traduire ce petit passage, après on va expliquer la suite au prochain cours. En fait, j'ai envie de le terminer, mais on peut le terminer, mais il faudrait aller un peu plus rapidement. Donc, ici, le cheikh explique donc que le nifaq al-i'tiqadi, ou le nifaq majeur, c'est de montrer, c'est comme on l'a expliqué, quelqu'un, elle montre qu'elle est musulmane, mais elle cache sa mécréance. Donc, elle prétend que l'hypocrite, il prétend qu'il aime Allah et qu'il aime son messager et qu'il est croyant, mais en réalité il démentit le messager sallallahu alayhi wa sallam, il traite de mensonge le Coran et il déteste le messager sallallahu alayhi wa sallam et il déteste ce que le messager a amené de la religion de l'islam et de la sharia et il déteste la religion de l'islam. Donc à cause de la fausse croyance de l'hypocrite, du munafiq, il se rapproche des kuffars, juifs, chrétiens et autres, hein, les mushrikines. Et c'est pour ça que tu vas voir, par exemple, parmi les munafiqines de cette umma, ils vont toujours s'entendre mieux avec des kuffars clairs qu'avec des musulmans. Et donc, quand ils parlent, leur discours, c'est le même discours que celui des kuffars. Hein? Et leurs valeurs, c'est les mêmes valeurs que celles, les valeurs des kuffars. Et leurs valeurs opposent les valeurs de l'islam. Hein? Donc, quand ils entendent des kuffars qui critiquent l'islam, ils sont contents. Quand ils voient que la religion de l'islam, elle est rabaissée, et que les kuffars sont élevés, ils sont contents. Hein? Quand les kuffars ont le dessus sur l'islam et sur les musulmans, ils sont contents de ça. Et c'est ça le nifaq al-i'tiqadi. Hein? Et on ne parle pas là ici des gens qui font des actions au nom de l'islam et puis qui sont en train de faire des actes qui contredisent la charia de l'islam et qu'on voit que ces gens-là sont, par exemple, ont une défaite. Hein? Par exemple, si tu vois des khawarij, qui sont des extrémistes, qui sont des égarés, hein? Des ennemis de l'islam, mais à l'intérieur, c'est-à-dire des ennemis de l'intérieur. Donc les khawarij, ils font des actions, ils font des choses, ils font croire aux gens qu'ils défendent l'islam, qu'ils défendent la charia, et qu'ils veulent établir un état musulman, hein? Islamique. Donc quand, par exemple, eux, ils sont installés dans un endroit dans le monde, et qu'ils commencent à semer la terreur partout dans ces pays-là, ils disent, nous, on n'a plus que la charia, on veut établir la charia, et ils tuent tout le monde, musulmans, chrétiens, juifs, n'importe qui. Ils tuent tout le monde, parce qu'ils ne font pas de différence entre le musulman et le non-musulman. Ils tuent tout le monde. Alors, quand tu vois des koufas, par exemple, qui vont écraser ces groupes d'extrémistes-là, tu vas être content. Pourquoi tu vas être content? Parce que ça, qu'est-ce que ces gens-là font? C'est du désordre. C'est de la corruption sur la terre. Hein? Mais ça, c'est pas du nifaq. Hein? Ça, c'est pas du nifaq. Pourquoi? Parce que c'est des gens de bid'a. C'est des gens de bid'a qui font du tort à l'islam et aux musulmans. Donc, tu te réjouis de voir que ces gens-là, ils ont une défaite. Hein? Même si ceux qui les combattent sont des koufars. Hein? Si ceux qui sont parmi ces koufars-là qui viennent pour enrayer leur mal. D'accord? Donc, les khawarij, eux, ils vont dire, ah, regardez-vous, là, vous êtes des hypocrites, parce que vous êtes contents que les koufars, ils ont la victoire sur les musulmans. Non! On n'est pas content que des koufars ont la victoire sur l'islam et sur les musulmans. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? C'est pas l'islam qui enseigne ça. Qu'est-ce que vous faites? C'est le désordre sur la terre, le fasad. Et Allah, il n'aime pas le fasad. Wallahu la yuhibbu le fasad. Donc, quand on vous arrête et on vous élimine, c'est un bien pour l'islam et pour les musulmans. Donc, c'est pour ça qu'on se réjouit. Mais si quelqu'un, il se réjouit lorsque des musulmans qui sont sur le Coran et sur la Sunna et qui défendent la charia en réalité, hein, sans transgresser les règles et les limites, ils se réjouissent de leur défaite, là, ça, c'est du nifaq. Et s'ils sont contents quand les koufars ont le dessus sur ces musulmans-là, alors ça, c'est du nifaq. D'accord? Donc, il faut faire la différence entre, par exemple, les mubtadi'a. Et, hein, parce que ça, c'est la même chose aussi. Il y en a qui sont contents si les mubtadi'a, ils ont le dessus sur les musulmans d'Ahl Sunna. Ça aussi, ça rentre, c'est une forme de nifaq, ça aussi. Hein? Si, par exemple, tu dis les shi'a rafida, hein, en Iran, ils ont le dessus sur les musulmans d'Ahl Sunna dans certains pays musulmans. Hein, et ils commencent à installer la religion des Rafidah dans les pays d'Ahl Sunna. Si t'es un mu'min, tu te réjouis pas de ça, tu vas être fâché de ça. Parce que tu sais que la voie des Rafidah, c'est du kufr. Hein, c'est du bid'a, et c'est du shirk, et c'est du kufr. Donc, tu te réjouis pas de ça. Donc, c'est pas juste de voir les choses de façon superficielle, de dire islam, hein, musulman, koufar. Non. Même parmi les musulmans aussi, il y a des tendances et des groupes et des sectes. Et ça aussi, ça joue, hein, et ça affecte l'attitude des musulmans entre eux. Et les musulmans vis-à-vis des non-musulmans. Et c'est pas pour rien que les ennemis de la Sunna, les gens de Bid'a, se sont toujours alliés aux koufars contre les musulmans. Toujours. Comme par exemple, les Rafidah, Shia, ils ont aidé les Tatars à l'époque des Tatars quand ils ont envahi Bagdad. C'est un Shi'i qui leur a ouvert la porte pour les faire rentrer. Hein? À l'époque des croisades, hein? C'est la même chose, les chiites qui se sont alliés avec les chrétiens pour combattre les musulmans d'Ahl Sunna. Beaucoup d'exemples comme ça dans l'histoire. Hein? Donc, les gens de la bid'a ont toujours été un allié des kuffars juifs, chrétiens et autres. D'accord? Et les kuffars, justement, ils ont toujours cherché hein, les groupes et les sectes dans les pays musulmans qui seraient susceptibles de les aider. Hein? C'est pas pour rien qu'après la colonisation, beaucoup d'entre ceux qui, quand ils sont partis, les colonisateurs, ils ont laissé dans certains pays, par exemple, des gens au pouvoir qui étaient de différentes sectes pour écraser les gens de la sunna dans certains pays. Donc, tout ça pour dire, Yanni, que ça, c'est important de tenir compte de ça, de cette réalité-là. Hein? Et même si les Khawarij, par exemple, ils sont en train de faire, beaucoup de tort aux non-musulmans dans certains endroits, mais le tort qu'ils font aux musulmans est beaucoup plus grand que ce qu'ils font aux non-musulmans. Et les Kuffars, ils en profitent de ça. C'est pour cette raison-là qu'ils sont alliés avec eux. Hein? Ils sont alliés avec eux à cause de ça. Allah al-Musta'an. Donc, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici et on continuera la semaine prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.